Alors, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis enseignant et j'enseigne donc en économie-gestion. Et actuellement, voilà, je manifeste contre la réforme des retraites. Et alors, vous qui êtes prof d'économie, qu'est-ce que vous pensez de l'argument selon lequel le système de retraite actuel, il est déficitaire et qu'un système de retraite à points sera vachement meilleur pour tout le monde ? Eh bien, quand on veut se débarrasser de son chien, on lui dit déjà qu'il a la rage. Donc, c'est toujours assez facile de dire qu'il va y avoir un déficit dans quelques années. Déjà, le déficit tel qu'il est envisagé, a priori, c'est le déficit maximal. Hein, maximum, ce n'est pas le déficit minimum qui avait été inscrit dans le projet de réforme de M. Delvoyou. Parce qu'en fin de compte, le but, hein, c'est de faire peur aussi aux gens. Hein. Et le système de retraite par répartition, c'est le système qui me paraît le plus juste. Hein. Parce qu'après, qui pourra cotiser par la suite si on a un système où chacun cotise auprès de son assurance privée? Eh bien, ce seront les gens qui seront les plus aisés. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Bonne manif.